L'ego, il est dans l'illusion psychologique que quand je dis là, la vie est sous notre contrôle, c'est pas lié dans le sens que c'est l'ego qui décide ce qu'il fait et ce qui se passe. C'est comme ce qui est enregistré à un moment donné. Vous allez avoir, il y a des programmes qui veulent se déclencher, là, il y a de l'expérimental qui se passe en temps réel, puis il y a des mises en vibration, puis là, il y a des programmes qui peuvent se déclencher. Vous ne pouvez pas choisir les programmes. Vous pouvez juste voir si vous avez beaucoup, beaucoup de présence, si vous acceptez que l'énergie passe dans telle structure ou pas. C'est dans ce sens-là que l'énergie est sous notre vie, sous notre contrôle. Mais le reste, là,